Section 17. Livre 2, chapitre 26 à 30. Chapitre 26. L'hiéroglyphe. Si nous suivons l'historique de l'art japonais, nous allons trouver d'autres éléments venus du dehors qui tantôt le modifieront, tantôt au contraire, développeront avec plus d'intensité ses qualités natives. Un beau jour, les Chinois arrivèrent, important leur fétichisme taoïste, leur philosophie et leur écriture. La sorcellerie grossière des Taoïste ne pouvait pas influencer beaucoup des gens qui n'ont rien à demander à la nature puisqu'elle leur donne tout. La philosophie de Confucius touche à peine aux croyances. Elle écarte même avec soin toute dissertation sur les choses divines. Si elle recommande le culte des ancêtres, c'est parce qu'il est social et moral. Le culte du ciel, parce que cela dispense de croyances plus compliquées. Et le culte des esprits de la terre, du vent et des eaux, parce que c'est un usage ancien. Cette philosophie ne pouvait toucher le japonais que par ses côtés moraux et pratiques. Elle vint donc s'ajouter à la philosophie shintoïste, sans modifier les croyances déjà acquises sur la nature et sa sainteté. Mais l'écriture chinoise fut pour les japonais et pour l'art japonais un formidable moyen d'éducation. Chaque caractère chinois contient à la fois un signe phonétique, un signe représentatif et un signe déterminatif. Il représente l'objet même dont il est le nom, il est déterminé par une clé indiquant s'il s'agit d'un mot appartenant aux idées abstraites, aux choses humaines, animales, végétales, minérales, etc. Il donne enfin le son syllabique qu'il faut prononcer pour lire le mot. Tout cela est horriblement compliqué. À force de vouloir être clair, le scribe chinois s'est jeté dans un dédale dont il ne peut jamais voir les issues. Mais le scribe chinois est forcément un artiste. Il tient un pinceau qui doit représenter tout un tableau, parfois plusieurs tableaux, dont il ne doit prendre que les traits caractéristiques. De là une nécessité, une habitude de simplifier, une habileté incroyable pour saisir le contour qui désigne à lui seul un objet ou une idée. Ainsi procéda l'écrivain des hiéroglyphes égyptiens. Mais plus heureux que le chinois, il arriva presque à l'alphabet net et précis des Grecs, et se tira d'affaire en supprimant le plus possible les voyelles, habitude sémitique, et en restreignant le nombre des signes. Dans les deux cas, il fallut arriver à un moyen rapide de représenter les dessins les plus variés. En Égypte, l'hiéroglyphe conventionnel, pourtant si vrai, des papyrus hiératiques, arriva jusqu'au cursif des écrits démotiques sans perdre un seul instant le mouvement, la forme, l'aspect du tableau qu'il s'agissait de rendre. Dans l'alphabet égyptien, une vingtaine d'oiseaux d'espèces différentes sont employés pour représenter des sons très éloignés les uns des autres. Il est important de ne les pas laisser confondre au lecteur. Il est vraiment surprenant de voir les égyptologues dessiner en deux coups de plume des aigles, des hiboux, des cailles ou des vautours, sans qu'on puisse un seul instant hésiter à reconnaître l'oiseau indiqué. Les Chinois aussi sont arrivés à ces résumés graphiques. Ils ont transmis aux Japonais ces procédés d'écriture. Mais les Japonais, qui aiment assez voir le côté pratique des choses, ont refusé la richesse surabondante de 10 000 caractères. Ils n'en ont accepté que 1 000, qu'ils ont choisis parmi ceux qui leur donnaient tous les phonétiques dont ils avaient besoin et qui étaient assez dissemblables pour ne pas être confondus. Les Japonais voulaient encore condenser davantage leurs moyens d'action pour représenter la pensée. Au 5e siècle, Kibimabi inventait l'écriture katakana, qui donnait en 50 signes tous les phonétiques syllabiques nécessaires alors au Japon. Puis au 9e siècle, Kobō Daishi imaginait l'alphabet Hiragana, sorte de katakana cursif élégant qui ajoutait la rapidité à la simplification, une manière de sténographie des caractères surchargés de la Chine. On le voit, c'est la quintessence du dessin. Dans ces indications cursives, qui sont à la fois des lettres et des représentations, le japonais a un avantage. Il se sert du pinceau qui donne l'accent vrai, avec bien plus de facilité que le roseau des Égyptiens, le stylet des Romains et la plume des peuples modernes. Le pinceau pousse à la peinture. Avec leurs tablettes de noir de Chine, le peintre, le poète, le commerçant, l'écolier se font des teintes plus ou moins foncées et voilà qu'ils peuvent reproduire des ombres, des éclats lumineux. Avec 2 tons seulement, ils peuvent rendre en camailleux des plantes, des oiseaux. Là, comme pour les caractères symboliques, le japonais court au plus pressé. Il cherche le trait qui donne le mouvement et détermine l'objet. Il procède par élimination pour ne garder qu'un contour et quelques touches de noir ou de clair. Il se met à épeler la nature et y trouve un nouvel alphabet dont toute lettre aura une signification et s'exécutera suivant un procédé déterminé par l'expérience. De la sorte, chaque plante, chaque animal, chaque objet sera un symbolisme et s'écrira en 3 ou 4 coups de pinceau. Et en effet, on peut regarder la plupart des dessins que les Japonais répètent sans cesse sur leurs kakemono, leurs boîtes, leurs bronzes, leurs faïences, et toujours, il sera facile d'y trouver un sens. Chaque mois, chaque jour, chaque heure a sa fleur ou son animal. Les sensations de tristesse, de bonheur, la richesse, la santé, la jeunesse, la longévité, la famille, la naissance, la générosité, la prière, que sais-je, tout peut s'exprimer par un dessin. Certaines légendes, certains faits historiques, certains hommes célèbres, toutes les familles nobles, les dieux, les dynasties, les provinces, les villes, peuvent être désignés par un objet ou une fleur. On peut presque dire que tout objet japonais est un hiéroglyphe, ou, pour être plus exact, que les artistes emploient dans leurs œuvres les procédés hiéroglyphiques. Le symbolisme et la simplification, la pensée exprimée d'un trait. Chapitre 27. Mission bouddhique. L'arrivée au VIe siècle des premiers prêtres bouddhiques venus de Chine dévoila aux Japonais des horizons sur l'art qu'ils n'avaient pas entrevus et leur donna des moyens nouveaux de développer leurs qualités naturelles. Le bouddhisme a été la première religion qui s'adressa à l'humanité tout entière. Sakyamuni, à force de réfléchir, étendit sa pensée sur toutes les races de la terre. Il sonda tous les infinis dans le passé, le présent et l'avenir. Préoccupé d'améliorer les hommes, il révéla la solidarité de tous les êtres, rattacha l'homme à la nature et les dieux à l'homme. Il pensa que des récompenses attendraient les bons et que des châtiments seraient réservés pour les méchants. Il voulut que l'homme fût responsable et de ses actes et des conséquences de ses actes, et par là pénétra dans l'éternité. Donc lui, le prince jeune, riche et beau, crut pouvoir dire aux hommes de l'Inde, resserrés dans les castes multipliées, « Nous sommes égaux et nous avons les mêmes droits et aussi les mêmes devoirs. Suivez la bonne loi et vous arriverez à la perfection, au bonheur, à la cessation des passions qui avilissent l'homme et le font souffrir. » Mais du moment que sa révélation ne s'adressait pas à un peuple spécial, du moment qu'il donnait un moyen pour sauver les hommes, ces sectaires devaient avoir le désir d'en sauver le plus grand nombre possible. De là à organiser des missions, il n'y avait qu'un pas, il fut vite franchi. Et les frères prêcheurs partirent dans tous les sens. Mais à l'ouest, les déserts de l'Arabie, de la Perse les arrêtèrent. Peut-être de ce côté, dans cette zone sémitique, demandait-on des religions moins compliquées et des fins moins lointaines. Mais à l'Orient, les missionnaires bouddhiques trouvèrent des populations très préoccupées de la nature, très disposée à lui trouver un sens, toute prête à accepter une morale douce, une philosophie qu'on pouvait laisser dans les nuages et un culte brillant, majestueux, plein de détails impressionnants. De proche en proche, le bouddhisme envahit le Tibet, la Birmanie, Siam, le Cambodge, la Chine, se pliant à tous les climats, à tous les gouvernements, à tous les usages, respectant les croyances locales, les expliquant aux besoins, se superposant aux religions des peuples, en ajoutant au fétichisme ce qui lui manquait d'élévation, en complétant la froide sagesse par ce sentiment humain, cet esprit de dévouement que Socrate entrevit, que Jésus proclama. Lorsque arriva au Japon la première mission bouddhique, elle apporta avec elle des industries inconnues et qui étaient nécessaires à son culte. Il lui fallait les riches étoffes sacerdotales, les vases sacrés en poterie et en bronze, les idoles dorées, les temples luxueux, et derrière les prêtres s'avançaient des sculpteurs, des peintres, des tisseurs, des potiers, des fondeurs, des ciseleurs, des doreurs, toute une invasion d'industriels à tête rasée, d'artistes aux yeux baissés, d'ouvriers en frocs et en chasubles. Ces gens étaient porteurs d'une double révélation. Ils dévoilaient une foi nouvelle, et pour la rendre saisissable, ils enseignaient l'art sous ses manifestations les plus multiples. les procédés industriels venaient concourir à l'expression de la pensée religieuse cachée sous la forme artistique. Et tous les êtres immatériels prenaient un corps. Les âmes insaisissables descendaient du ciel sur des nuages d'or. Les Niwarai resplendissants souriaient sur l'autel avec des gestes de paix. Dans les angles sombres du sanctuaire, les Bouzats, aux auréoles lumineuses, se dressaient sur d'immenses fleurs de lotus. Le long des murs, les 18 Rakan, les propagateurs de la religion en Chine, étaient représentés artisans divins, confectionnant de leurs mains sacrées les objets du sacerdoce. Dans les frises sculptées et fouillées, des anges aux ailes d'azur descendaient comme des hirondelles, tenant entre leurs mains les instruments harmonieux qu'on n'entend que dans le ciel des Bouddhas bienheureux. À part les tambous terribles, chargés d'effrayer les méchants par leurs gestes multiples et leurs grimaces féroces, les représentations bouddhiques ont ce sentiment indo-européen des peintures primitives du Moyen-Âge. Les plis des vêtements sont doux et harmonieux. On dirait que le Pérugin a passé par là et qu'un reflet de l'art grec illumine ses œuvres. Voilà donc l'artiste japonais en présence d'un ordre d'idées tout nouveau. Il en profitera même pour donner une forme à ces légendes vagues. Il osera représenter les dieux du shintoïsme. Il les abaissera jusqu'à leur donner une figure d'être humain, mais son art en sera élevé. Le sentiment religieux viendra s'ajouter à ses productions, et la grande peinture, tout en se restreignant dans la formule, viendra lui ouvrir des voies nouvelles. Et puis les moyens d'action, singulièrement multipliés par les industries pratiquées autour des temples, lui donneront des facilités particulières dont il profitera avec l'intelligence, le goût et la discrétion qui caractérisent toujours sa manière. Chapitre 28. Le genre gai. Les artistes japonais, toujours très préoccupés des procédés, ont divisé leurs écoles de peinture, non suivant les sujets, mais suivant la manière de peindre. Dans cette voie, les Chinois leur avaient donné l'exemple. En Chine, deux grandes écoles se partagent les peintres. Nansoho, l'école du Sud, qui fait tout avec soin, cherche la grâce et se perd dans les détails. Okusoho, l'école du Nord, qui reproduit en quelques traits énergiques un sujet donné. Mais qu'il s'agisse de peintures religieuses, historiques, peintures de genre, de paysages, d'oiseaux, de natures mortes, peu importe, on est de l'une ou l'autre école selon la manière de donner les coups de pinceau. Ces deux méthodes furent imitées au Japon avec une scrupuleuse exactitude. Mais les Japonais eurent aussi leurs écoles. D'abord l'école Tosa-he, peinture grave, sobre et soignée, convenant à l'esprit recherché et distingué de la cour de Kyoto. À cette peinture officielle du Mikado, la cour de Shogun opposa le système Kano-he, caractérisé par des contours anguleux. Ce qu'il y a de particulier dans ce procédé, c'est que les œuvres poussées, finies avec soin, ou les croquis jetés avec rapidité, peuvent appartenir à l'école pourvu que les plis des vêtements, les ombres et les accents soient exécutés à angle vif. Mais sans nous attarder dans ces divisions techniques, constatons chez les Japonais, soit qu'il s'agisse de peintures coloriées, de peintures au noir de Chine, de sculptures sur bois, ivoire, bronze, argent, de marqueterie, d'incrustations, de niellage, de ciselures, d'objets laqués, vernis, bruts ou dorés, soit qu'il s'agisse de lithographie, gravure sur bois, broderie sur soie, impression sur coton, constatons, dis-je, premièrement, le genre religieux bouddhique. Deuxièmement, le genre soigné, élégant, très détaillé, représentant des scènes de l'histoire chinoise. Troisièmement, le genre rapide à grand effet, reproduisant des scènes légendaires. Quatrièmement, le genre décoratif, fleurs, oiseaux, etc., tous quatre venus de la Chine. Cinquièmement, le genre sobre, grave, shintoïste, utilisé par les légendes japonaises. Sixièmement, enfin, le genre gai, tout à fait local et traité avec une hardiesse, un esprit, une habileté qui mérite qu'on leur accorde quelque attention. C'est un prêtre bouddhique qui, dit-on, en fut l'inventeur au XIIIe siècle. Gakuyu entreprit de réformer les mœurs en se livrant à l'emploi de la caricature satirique. L'avarice des grands, la mauvaise administration, étaient représentées par des allégories gaies, énergiques, saisissantes. Au XVIe siècle, Iwasa se rendit célèbre dans le genre populaire appelé ukiyo-e. Et le siècle suivant, Ishikawa, continuant cette école, reproduisit les scènes de la vie ordinaire avec un tel succès que les éditions de ses œuvres se vendent encore dans les boutiques à bon marché. Il fut en quelque sorte le Teniers du Japon. Tout dernièrement, le fameux Hokusai se livra à la peinture populaire avec une grande délicatesse de touche. Ses compositions, publiées en gravures coloriées, servent de modèle dans les différentes écoles publiques. Il résuma avec habileté tous les procédés hardis et expéditifs des écoles Okusoo de la Chine et Kanohe du Japon. Il y ajouta son esprit d'observation fine et ce sens particulier de l'élégance qui est le propre de tous les artistes du Japon, même quand ils reproduisent les scènes les plus triviales. Hokusai est mort, mais il a évidemment des héritiers de son talent, car nous voyons à chaque pas des peintures communes et pleines d'esprit dont nous voudrions connaître les auteurs. Depuis que nous visitons les rues de Tokyo et de Yokohama, nous avons remarqué particulièrement une série d'images humoristiques dans lesquelles on reconnaît la main d'un artiste de valeur. Nous avons déjà constaté que ces images sont signées d'un nom formé de deux caractères chinois assez reconnaissables. Mais quand nous demandons quel est ce nom et qui le porte, on parle d'autre chose et l'on esquive la réponse. À plusieurs reprises, nous sommes allés aux renseignements et à plusieurs reprises, nous n'avons obtenu que des réticences, des explications balbutiées ou de ces mutismes à la japonaise qui vous disent si bien « vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas ». Chapitre 29. Peintre et malfaiteur. Les dessins de cet artiste mystérieux ont un caractère d'actualité très intense. On sent que l'auteur de ces croquis populaires est vivement préoccupé de ce qui se passe au Japon depuis quelques années. Il paraît en vouloir particulièrement au bouddhisme. Comme tous les Japonais de la nouvelle école, il doit être libre penseur. À moins qu'il soit extra-conservateur et que par amour du shintoïsme, il condamne une religion d'origine étrangère. Il est curieux dans tous les cas de voir l'art de la caricature inventé au Japon par un prêtre bouddhique servir maintenant d'arme contre les sentiments que l'on voulait défendre. Sur la couverture d'un livre destiné aux écoles primaires, l'artiste inconnu représente de jeunes enfants apprenant à lire, assis à la file sur un large banc de pierre. Mais quel est ce banc de pierre? Une statue de Jizo renversée et mutilée, couchée dans la boue et donnant imperturbablement sa bénédiction au dos des petits-enfants assis sur son ventre. Un autre dessin représente le Bouddha, Sakyamuni, assis sur la fleur de lotus et gardé des courants d'air par une auréole flamboyante. D'un côté, un couple souriant l'accable de pièces de monnaie qu'il saisit de sa dextre avide et en récompense, il lance les rayons bienfaisants qui vont bénir les dévots généreux. De l'autre côté, un autre couple, souriant aussi, mais de ce sourire indécis et exagéré, qui agrémente les figures des solliciteurs peu sûrs de leur fête. Le mari offre un boudin de sapèque total, 4 sous. La femme présente un décime proprement enveloppé dans un carré de papier dont elle a soigneusement redressé les coins. Mais aucun rayon n'émane du flanc gauche du divin Bouddha. Sa main crispée repousse des offrandes ridicules. Pourtant, les uns et les autres ont soigneusement récité leurs prières et dit leur chapelet. Aucune religion n'a fait plus de miracles que le bouddhisme produit au Japon. Chaque pas qu'on y fait vous heurte à une légende authentique qu'attestent et les pèlerinages multipliés et les nouveaux prodiges qui viennent à tout moment confirmer la sainteté du lieu consacré. Une des légendes les plus connues est celle du lac Horie à Osaka. À peine le bouddhisme venait-il de s'établir au Japon qu'il fut l'objet de persécutions et qu'on jeta dans le lac Horie toutes les statues des dieux bouddhiques, entre autres une statue d'or d'Amida, flanquée de ses deux aides, Kwannon et Seishi. Quelque temps après, Uda Zenko, riche habitant des environs, passant un soir en voyageur près du lac, entendit derrière lui une forte voix qui l'appelait par son nom. Il se retourna et il vit sur l'eau une grande clarté qui n'était autre que la statue d'or d'Amida et de ses deux acolytes. Ses dieux l'interpellaient et demandaient secours. Uda Zenko, en souvenir de cet événement, se consacra au culte d'Amida et éleva en l'honneur de ce dieu le fameux temple de Zenkōji qui existe encore. L'artiste qui nous préoccupe et dont nous reconnaissons facilement le fer particulier a représenté le miracle et ses conséquences et il a su y trouver des côtés comiques. D'abord la frayeur de Zenkō en entendant le soir, dans un endroit désert, son nom prononcé distinctement. Le malheureux, très peu flatté de tant d'honneur, se sauve à grande enjambée. Et puis les dieux installés dans le domicile du voyageur et retrouvant avec joie les bonnes offrandes dont la noyade les avait si longtemps privés. Amida lève en l'air ses bâtonnets d'un geste de bamboucheur. Quanon s'empiffre de riz et Seissi, faisant à la femme de Zenkoo d'amicales grimaces, se verse de larges rasades de saké. Zenkoo, en habit de kuge de l'époque, est dessiné suivant la méthode anguleuse de l'école Kanohe et rit de politesse à gorge déployée. Sa femme, les mains retournées, attitude de prière, à quatre pattes, comme Zenkoo lui-même, tire la langue en signe d'adoration joyeuse, et les moutards, dont l'un fait de l'équitation sur le dos de sa mère accroupie, s'adressent avec une ferveur hilariante au dieu sauvé des eaux. Mais qui donc a peint ces images si pleines de gaieté? Nul ne le sait, ou plutôt, nul ne veut paraître le savoir. Pourtant la signature est là. Comment se lit-elle? Silence. Est-ce donc un de ces noms maudits que personne ne peut prononcer sans courir les dangers les plus graves? À force de ténacité, nous finissons par savoir que l'artiste s'appelle Kiyosai. Et voici son histoire que j'ai bien promis de ne raconter à personne, au Japon du moins. Kiyosai est né à Yedo, élève de Karino, peintre du Taikun. Il ne tarda pas à se distinguer par son habileté. Arrivé à un certain âge, il trouva que le style de son maître manquait de vivacité et de hardiesse, et au grand désespoir de son professeur, il se mit à faire des dessins humoristiques. Mais en même temps, il prit la mauvaise habitude de boire à outrance et se mit à vivre à sa fantaisie sans se soucier des usages si respectés au Japon. Le nom qu'il a adopté pour signer ses ouvrages signifie « fou », et comme on le comparait au Shōfō, le singe légendaire qui boit sans cesse, il signa Shōfō Kiyosai, le singe ivrogne et fou. Sur la fin du Taikuna, la position des ministres du grand ministre devint critique. On les sentait sous l'influence de menaces et de protestations. Les anciens guerriers adversaires de la réforme s'agitaient et l'on prévoyait un changement de ministère. Kiyosai caractérisa la situation en représentant un jeu d'échecs où les ministres costumés en pièces à jouer ne pouvaient plus empêcher le Taikun d'être mat. On admira beaucoup l'art de la composition, l'esprit des détails, la verve de l'ensemble. Et Kiyosai fut mené en prison pour délit d'injure au gouvernement taïkunal. À peine délivré, notre homme s'empressa de faire une autre caricature politique et de nouveau il vécut aux frais du gouvernement. Et chaque fois que la durée de sa peine était expirée, son pinceau commettait un nouveau délit qui l'amenait encore une fois devant la justice expéditive et emprisonnante du Taikun. Le changement de gouvernement, l'arrivée du Mikado à Tokyo, lui donnèrent un peu de répit. Il put même assister au grand congrès des peintres et des lettrés japonais qui eut lieu dans la capitale sous les auspices du gouvernement impérial. À la fin de la réunion, on supplia Kiyosai de donner une preuve de son habileté. Saisissant son pinceau, il représenta des grands seigneurs, noblement vêtus, devant lesquels des étrangers, anglais, américains, français, se livraient à une pantomime irrespectueuse. Le geste des grands seigneurs, qui se bouchaient le nez, indiquait suffisamment la nature de l'outrage qu'ils subissaient. Les Japonais, qui n'ont pas encore le goût de l'euphémisme et qui volontiers bravent l'honnêteté, comme les Latins et les Français du temps de Rabelais, ne craignent pas ce genre de plaisanterie. Aussi les membres du congrès goûtèrent fort la composition de Kiyosai. Elle passa de main en main et eut un vif succès. Mais la police, qui était de la fête, demanda à l'artiste quelques explications. Elle voulut savoir qui étaient ces nobles personnages ainsi bafoués. « Le ministre du Japon !» s'écria l'artiste. « Les ministres qui supportent tout de ces voleurs d'Européens !» Alors les policemen lui passèrent aux mains les petites cordelettes qu'ils ont toujours avec eux, et Kiyosai put constater qu'il n'y avait pas grande différence entre les prisons du Mikado et celles du Taikun. Chapitre 30. Un duel. Quoi qu'il en soit, Kiyosai est considéré comme un des plus habiles peintres du Japon. Ayant appris que lorsqu'il n'est pas en prison, il habite une petite maison perdue au milieu des jardins dans la banlieue de Tokyo, nous partons, Régamet et moi, pour faire la connaissance de cet intelligent et malheureux artiste. Nos jinrikis eurent quelque peine à découvrir la cabane du caricaturiste, et nous-mêmes quelques difficultés à nous faire recevoir, car nos habits européens, portés d'ordinaire par les employés du gouvernement, ne disaient rien de bon au pauvre Kiyusai, qui se demandait quel crime nouveau avait attiré sur lui l'attention des gens haut placés. Pourtant, on s'explique, et nous pénétrons dans la maison, construite en chaume et en papier, petite de 6 mètres carrés et composée de 2 pièces. Le vestibule d'entrée est entièrement rempli par 2 femmes qui se prosternent pour nous recevoir. La seconde chambre est l'atelier, plein de lumière, encombré de rouleaux de papier, de pinceaux et de boîtes à couleurs. 2 ou 3 masques comiques, des inscriptions encadrées, reproduisant des sentences philosophiques, et sur une table, une chimère et un fétiche en terre cuite d'une très haute antiquité. Ce sont les dieux l'art. On a placé devant eux des offrandes de gâteaux et de saké. La chambre est égayée par le jardin qui l'entoure et l'envahit. Des branches d'arbres passent à travers les cloisons mal fermées. Un jeune chat, à la queue coupée, selon l'usage, escalade les piles de papier et renverse les burettes à eau. Il se permet même, pendant la visite, de s'adjuger le gâteau offert au petit dieu en terre cuite. L'artiste paraît très heureux et très ému de la démarche que nous faisons auprès de lui. Il se frotte constamment le bras droit avec la main gauche, ce qui est chez les Japonais le signe d'une grande préoccupation ou d'un violent embarras. On cause grâce à l'interprète Kondo qui nous accompagne, et peu à peu la gaieté se met de la partie. Madame Kiyusai apporte du thé et des gâteaux identiques à celui qu'on a offert au petit dieu. Régamet a déjà tiré ses armes. La pose accroupie étant incompatible avec ses guêtres et ses pantalons, il s'est assis sur la natte, les jambes à demi étendues, et son album sur ses genoux. Il demande à Kiyusai l'autorisation de lui faire son portrait. Kiyusai, tout confus, se prosterne en signe d'acquiescement et de reconnaissance. Il aspire tant qu'il peut, les dents serrées, pour témoigner combien il est honoré. Mais il n'est pas homme à se laisser faire sans riposter, et surveillant du coin de l'œil ce qui se passe sur l'album de Félix, il a sournoisement, presque dans la manche de son kimono, préparé ses pinceaux, délayé ses couleurs, étendu sur la natte une feuille de papier, et tout en ayant l'air de poser, il commence d'une main rapide le portrait de son portraitiste. Il n'y a pas à dire, c'est un duel. Qui donc a affirmé, qui donc a imprimé, que les artistes japonais sont incapables de faire un portrait? Ô muse, comme dirait Homère, inspire-moi. Aide-moi à retracer l'importance et la valeur des 2 champions. Rappelle-moi les antécédents, les origines, la race, l'histoire et les promesses de chacun d'eux. Apprends-moi à écrire l'attaque et la riposte, les coups de pinceau et les coups de crayon qui s'échangent sous mes yeux. D'un côté, le peintre français, fils et frère d'artistes, le premier parmi ces initiateurs modestes et de si rares mérites qui ont créé un art nouveau, la chromolithographie. Son père lui mit en main tout petit des crayons, en guise de hochet. Guillaume, son frère aîné, dont l'existence fut si courte, a laissé comme peintre de sujets militaires des œuvres fortes, savantes, pleines de grandeur et de vérité, que l'État a recueillies dans ses musées. Son autre frère, Frédéric, et peintre, graveur, lithographe, maniant à volonté le pinceau, la pointe et le crayon. Et lui, Félix, le héros du combat, a parcouru la moitié du globe pour trouver au Japon un athlète digne de lui. Élève de l'école des beaux-arts où il obtint une médaille pour l'anatomie, il fut, à l'âge de 23 ans, nommé professeur à l'école nationale de dessin, puis à l'école spéciale d'architecture. Collaborateur des principaux journaux illustrés de Paris, il fut bientôt attiré par les journaux illustrés de Londres, puis par ceux de l'Amérique. Comme certains ouvriers font leur tour de France, Régamet, son crayon à la main, entreprit le tour du monde. En passant, il présidait à la réorganisation des études à l'Académie de dessin de Chicago, récemment détruite par l'incendie. Puis il inventait les conférences en dessin, qui eurent un si grand succès. En moins d'une heure, il couvrait de croquis gigantesques des kilomètres de papier sans fin, touchant à tout, à l'art, à l'histoire, à l'actualité, à l'ethnographie, voire même à la morale, témoin la conférence qu'il fit un soir dans une église de Boston en prenant pour sujet les bienfaits de la tempérance. Cette fois, l'artiste au crayon rapide a traversé l'océan Pacifique. Il s'est abattu sur le Japon et a fait à Kiyosai l'honneur de le choisir pour lutteur. Kiyosai a accepté le combat. Et les voici tous deux, l'œil enflammé, la respiration retenue, s'attaquant l'un l'autre, dessinant avec hâte, avec fureur, cherchant à faire vite et parfait. « Fini !» s'écria Félix. « Yoroshi !» riposte Kiyosai. Et les deux portraits apparaissent ressemblants, cela va sans dire, mais surtout étonnants de hardiesse, d'ingéniosité dans le procédé. Alors, moi de m'écrier dans mon enthousiasme « Bravo, Kiyosai ! Bravo, Regamet !» Quelques jours après, Kiyosai vint nous rendre à l'hôtel la visite que nous lui avions faite. Comme il savait mon goût pour la science des religions, il m'apporta un Bouddha pénitent qu'il avait peint exprès pour moi. On voit dans cette composition quelle verve peut avoir l'artiste japonais, même quand il s'attaque à un sujet classique. Le Sakyamuni de Kiyosai est à la fois concentré et resplendissant. Assis sur la paille, comme Job, il réfléchit à outrance, sans s'apercevoir que ses ongles poussent et que son estomac se creuse. La bosse de la révélation surgit au milieu de ses cheveux incultes et l'amplitude de ses vêtements, aux contours luxueux, indique seule que c'est un prince de l'Inde qui s'oublie ainsi pour sauver les hommes. Pendant sa visite, Kiyosai tenait un éventail tout blanc. En causant, il tira un pinceau de sa ceinture, le mouilla et le promena rapidement sur son éventail. Malgré les difficultés présentées par les plis accentués de l'objet qu'il peignait, en quelques touches, il eut fini et nous présenta son éventail en nous avertissant qu'il avait fait une peinture religieuse. Je ne vis pas tout de suite en quoi la composition avait un caractère sacré. Un poteau télégraphique d'un côté, de l'autre une grenouille verte traînant dans un jinrikisha, une grenouille brune ornée d'un manche de parapluie. Je voyais plutôt là le résumé des inventions modernes au Japon. Mais l'auteur me fit observer que le fil électrique était supporté par une tige de lotus, que la roue d'une jinrikisha était une feuille de la plante sacrée, et que, enfin, la grenouille, animal caractéristique des plantes d'eau, était là une sorte de déterminatif de l'idée. Et voilà comme quoi, au Japon, les vieux dogmes sont transformés et remplacés par les idées nouvelles. Fin de la section 17.